panu kolet, paskudny pop, mam jak właśnie magazyn. La sushi, ponad instytucji. A fond, contre la censure, à fond, contre le système, à fond, contre les gueules qui mesurent après mesure. Devons croire que faire de la zig c'est de la démesure. Et c'est triste, je te jure. Y'a quand tu baisses qu'on te paie, y'a quand tu baisses qu'on te réclame. T'inquiète, c'est pas derrière que la soucherie sème le vacarme. Sors les armes au lieu de lâcher des larmes devant le ministère de la culture. Va te faire foutre, j'ai ma poudre et mes couilles sur la table. Pas de partager qui t'arrête, qui paye et qui gagne. Y'en a qui font la starak et qui d'ailleurs ont de la fiche. Et merde, on va miser juste et défoncer les portes de la culture. Ok, de la culture. On casse les portes de la culture. Je vois que leur approche sur la lumière. Nous passons sur un titre posthume. Un titre posthume. On défonce les portes de la culture. On défonce les portes de la culture. Je vois que leur approche sur la lumière. Nous passons sur un titre posthume. Un titre posthume. On défonce les portes de la culture. On ouvre les portes, notre culture c'est black, l'ampleur dans les blocs. La soucherie dans les starting blocks, on débloque. On prône la liberté, notre halo veut tout niquer. Normal, c'est chacal, me censurer. LS, tu connais l'adresse, pas tendresse dans les textes. On vient blesser, LS vient t'embrasser. Non avec la tête mais on dit oui avec le cœur. La rancœur à 16h, voilà venue l'heure. Soucherie, rajoute un style à ta culture. C'est le son qui sort, un flingue dans la ceinture. Tabage, tout le monde dans vos yeux, on endure. Sûr, même si la vie est dure, sûr qu'on assume. Sûr qu'on assume. On défonce les portes de la culture. Je ne vois que leur approche sur la lumière. On passons sur un titre posthume. On défonce les portes de la culture. Moi qui leur approche sur la lumière. On passons sur un titre posthume. Un titre posthume. On défonce les portes de la culture. Sans doute ta tête pour tes préjugés qui t'obsèdent. Libérez vos vagues, le chaos est proche. Les libertaires s'accrochent, on voit que la liberté se décroche. Alors décroche les yeux de ton téléviseur. On n'est pas peur, c'est la soucherie, on a flou dans le corps. Hardcore dans le cœur, pas la peau, faire partie du décor. Le son qui te réveille quand tu dors, car depuis des années tes rêves sont brisés. Forcé de rester carré pour sortir un CD commercial. Fusé à leur idéal, alors on déballe. On se tape pas pour que dalle, on soulève les grands totales. Normal, on nique les collabos qui brillent, l'expression de la zik. J'comprends leur peur du pic. Révolutionnaire, pire qu'un couille qu'un cher. On est la bombe atomique. On est la bombe atomique. On défonce les portes de la culture. Je vois que leur approche sur la lumière. On passons sur un titre posthume. Un titre posthume. On défonce les portes de la culture. On défonce les portes de la culture. Je vois que leur approche sur la lumière. On passons sur un titre posthume. Un titre posthume. De la culture, je vois que leur approche sur la lumière. Nous passons sur un titre posthume.